بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد طيبة نخدر تأمل الأمثلة الآتية الفرنسيسة أسمعت أن أحسن طبيبة سمعت نعم أن أحسن طبيبة في المستشفى يقولون إن أحسن طبيبة في المستشفى إن القرآن كتاب الله في أول الجملة إن وبعد قال إن بعد الأفعال الأخرى أن طيب قد تكلمنا حول هذه المسألة إن وأن on a vu un petit peu la règle de إن on commence avec la phrase c'est à dire s'il est en début de phrase on dira إن et non pas أن tu dis pas أن زيدان مريض تقول إن زيدان مريض طيب Inch'Allah c'est compris hein? ou après le verbe قال تقول قال إنه مريض C'est compris? Ah oui, Yakuluna, comme il t'a donné dans l'exemple, Innaha Ahsanu Tabibatin fil Mustashfa. Tout le monde y est? Après, il vous dit Bad al-Af'al al-Ukhra. Ça veut dire, dans, après, autre que le verbe Qala, tu vas employer quoi? Anna. Tu diras par exemple, Danantu Anna Zaydan Marid. La taqul Danantu Inna Zaydan Marid. Mufum hada, Inch'Allah? تقول سمعت أن شيخ ذهب مثلاً إلى مكة لا تقول سمعت إن شيخ طيب كي أبا كمبري عثمان مهدي tout le monde a compris ça طيب après vous verrez plus tard inshallah quand est-ce on doit mettre إن et quand est-ce on doit mettre أن il y a c'est plus large que ça طيب inshallah en tout cas vous avez compris là alors en début de phrase on dira quoi Daoud Inna, et après Qala, on dira. Et autre, les autres verbes Anna. Mais faut-il, Inch'Allah Taï, Iqra al-Jumal al-Atiya ma'adhabt Hamza. Taï, je te demande de lire les phrases en mettant quoi Ça veut dire Al-Hamza. Soit tu diras Inna ou Anna. Tu diras Adhunnu. On dit quoi ici à Mohamed Annahu. Annahu Très bien. Adhunnu annahu talibun jadidun. La taqul adhunnu innahu talibun jadidun. Au suivant. Qala al-mudarrisu innal taliba jadida. Inna taliba, pas na inna taliba. Al-jadida. Al-jadida mujtahida jiddan. Mujtahidun jiddan. Sami'tu anna al-mudarrisu salam. Ma jal yawm. نعم سمعت أن المدرس أن المدرسة ما جاء اليوم إن الله ربي نعم قال زميلي أن المدرس إن قال طيب قال زميلي إن المدرسة ما جاء اليوم نعم قال زميلي إن المدرس ما جاء اليوم أشهد أن محمد رسول الله نعم ها صلى الله عليه وسلم ها faites attention alors si un jour tu fais la dan tu dis pas أشهد إن محمدا فهم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيبا قراءته في صفحة في صحيفتي C'est bien. Qaratu fi safhifati anna al-wazir al-kharijiyya sayarji'u min London ghadan. Au suivant. Annaka min Pakistan. Très bien. Adhunnu annaka min Pakistan. Je n'ai pas compris. قال لي لي سي توا حافظ يا طيب طبيب ان دكتور تا دي voilà parce que moi j'ai eu peur que tu t'es trompé le fait tu penses que لي rentré dans ta bible طيب اما اللام هنا دخل على ماذا حرف الجر ها لي il m'a dit à moi et qui te l'a dit un docteur un médecin قال لي طبيب نعم قال لي طبيب إنك لست بمريض نعم بعد قال le verbe قال après ce qui peut arriver après il y a pas de mal tu vois قال لي طبيب إن ça rentre là-dedans voilà ça rentre là-dedans bien sûr أظن Regarde bien ce que tu dis. Inna et Anna. Inna et Anna, quel travail ils font? Moi je t'ai rien dit là. Toi t'as dit tout. C'est pour ça que je t'ai corrigé. Et pourquoi t'as dit ti? Très bien. Et on sait. Ah, moi j'ai pas parlé tout à l'heure. Inna et Anna, on sait que ça fait quoi? Tansab l'ism. Hein, wa tarfa al-khabar. Taïb, ça on l'avait vu. On en a pas reparlé, mais au cas où si un de vous a oublié. Inna, tansab l'ism wa tarfa al-khabar. Taïb, et inna, si ça rentre dans Djam Mouanet Salem, on a dit quoi? Que Djam Mouanet Salem, yun sabi mada? Bil kasra. Taïb, inshallah, tu diras quoi? Inna al-muslimati. Ou, comme il vient de dire le frère, adhunu anna al-tabibati. Non, al-tabibata. Très bien, continue. Allati. Al-Wilaya, c'est les États al-Mutahida unis. Non. تعرفين أن طالبات الجديدة التي جاءت قبل ثلاثة أيام تعرف خمس لغات. نعم. تعرفين أن طالبات الجديدة التي جاءت قبل ثلاثة أيام تعرف خمس لغات. إن الدرس سهل. Très bien. يقولون إن الامتحان سيكون في الأسبوع الأول من شهر رجب. Très bien. أتظن أني ضعيف. إنني. إنني ضعيف. نعم. أتظن إنني ضعيف أو إني. On pouvait le dire. طيب. هذه أسماء الأيام الأسبوع. Ceci c'est quoi les noms de la semaine. نعم تفضل. نعم. Il a dit quoi? إنني. Hey, أنني. Très bien. الله يبارك فيك. أظن أنني. جزاك الله خير. طيب. أظن أنني. بارك الله فيك. On a dit quoi? On a dit après la, le verbe. Ouais, c'est-à-dire qu'il est conjugué ou pas. Bah ouais, bien sûr, le verbe en lui-même. Oui, on va y expliquer. Ouais. Ah ça, on va le voir. Ça veut dire quoi, ministre de, des Affaires étrangères là? Oui. T'as yom sept, samedi, hein? Yom el ahad, dimanche. Yom el ithné, lundi. Yom el thulatha, mardi. Yom el arbi'a, mercredi. Yom el khamis, jeudi. Et Yom al-Jumu'a, vendredi, qui est le meilleur jour de la semaine. Taïb. Barakallahu fikoum. Taïb. Dans l'islam, le Jumu'a, c'est le meilleur jour de la semaine. Et chez les kofars, ils l'ont rendu le plus... Le jour le plus mauvais. Hein? Vendredi 13, ils disent. Mais ça, c'est pas fait par hasard, ça. Je peux vous le dire, ça. Pourquoi ils n'ont pas dit dimanche 13 ou samedi 13? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith où le vendredi, c'est le meilleur jour. C'est notre Eid. Hein? Et les kofars, ils l'ont appelé vendredi 13. Non. الكلمات الجديدة. طيب. سيقول مولا دواءنا جمع أدوية. Ça veut dire médicament. واجبات des obligations. جار جمع جيران. voisin. تلميذ تلاميذ élève. تلميذات جمع تلميذات élève féminin. رقم جمع أرقام numéro. هاتف جمع هواتف téléphone. Wazir al-Kharijiya, ministre des Affaires étrangères. Taïb. Amal un-jam, amal, travail ou une tâche. C'est-à-dire, taïb, poser une tâche, ça ne veut pas dire quelque chose de sale, hein. Ça se dit ça aussi. Taïb. Shahida, yashhadu. Ce mot-là, il a beaucoup de sens, taïb. Tu peux dire par exemple, Shahida, jalsa, prendre place à une séance. ou shahida ala fulan, fom il a témoigné contre, ou il a testé, fom, ou ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Al-Muhim, comme tu l'as, c'est-à-dire, selon comment il sera utilisé, il aura un sens. Fom, par exemple, tu dis shahidul jumu'a fil haram, c'est-à-dire quoi? Si quelqu'un dit ça, c'est-à-dire participer à la prière du jumu'a dans le haram Makki. Mais fom hada, c'est pour ça, certains mots dans la langue arabe, selon dans la phrase où il a un sens. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire là, j'ai témoigné contre la prière. Mais ici, il a participé à la prière. Taïb. Ad-dars, al-thalitha, achar. Il manque des mots, je crois, non ? Afouan. Raqmoun, j'ai dit. C'est numéro, arqam. Waqtun jam, awqat. Waqt, c'est un temps. Dahika, yadhaku. Rigoler. Taïb. Non. Dahika, c'est rigoler. Et tabassama, ce serait plutôt dire sourire. Vous voilà. Faites attention à ces deux verbes-là. Hein? Yadhak, ce sera, il y aura peut-être un bruit, la bouche. Amma tabassama, c'est un sourire. Vous c'est pour ça, dans la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il souriait plus qu'il rigolait. Vous voyez, c'est très très rare, tu aurais pu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en train de rire à bouche ouverte. Hein? T'as hey, tout le monde a compris cette leçon, Inch'Allah. C'est pas difficile. Hein. Ad-dars thalitha ashar. Al-mufrad. Al-ghaib mudhakkar. Hamidun yadhhabu. Al-muannath aminatu tadhhabu. C'est quel temps ça, Mahdi? Al-ghaib, hein? C'est un temps, al-ghaib, ça? Il est marfou avec quoi, al-ghaib? C'est quel temps ça, ce que je viens de dire? Yadhhabu, c'est au Moudara. Moudara, ahsant. Taïb. Hamidun wa Aliyun wa Hashimun yadhhabuna. Taïb, ça c'est le pluriel jam. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Taïb. Andika Kamal. On aurait mis le verbe là devant ces prénoms de filles, on aurait dit quoi? Le verbe, en début de phrase. Yadhhabu. Qui est d'accord? Il lève la main avec le frère. Osman. Concentrez-vous les frères. Andaka, ouais. Tadhhabu. T'as si le verbe est en début de phrase, les frères, quand je pose une question à un frère, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour Kamel, pour vous profiter. Allah ybarik fikoum. T'as Tadhhabu, Aminatu, wa Miryamu, wa Zainabu. Car le verbe est en début de phrase. Hein? Mais si on a dit quoi? Il précède. On dit Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Taïb, al-mudhakkar, al-mukhatab, anta tadhhabu. Taïb, wal-mu'annath, anti tadhhabina. Aïn al-fa'al huna, Abdel Karim? Il est où le sujet? Il est sous-entendu. Anti tadhhabina, il est sous-entendu. Ah, c'est il est sous-entendu. Taïb, et toi, il est où? Noun. Noun? Mohamed? Quel ta? De tadhhabina, ta? Andel? Le ya, les frères. Hein? On l'a bien expliqué, ça. C'est la conclusion de tout ce qu'on a vu, Allah ybarik fikoum. Comment? Non, ahsan. Taïb, le noun ici, c'est alamat al-raf. C'est que le mudara' il est marfou'. Hein, on verra bientôt. Al-mudara' al-mansoub wa al-madzoum. Taïb. والجمع انتم تذهبون انتن تذهبن طيب ان شاء الله المتكلم مذكر ومؤنث انا اذهب نحن نذهب طيب ان شاء الله on va lire ça. تمارين اكمل الجمل الاتيه بوضع فعل ذهب في المضارع بعد اسناده الى ضمير مناسب هاي te demande de compléter les phrases en mettant quoi le verbe dhahaba au mudara. Hein, et tu lui mets un pronom qui lui convient. Fi ay sa'atin, on dira quoi ici? Tadhhabina ila al-jami'ati ya Aisha. C'est compris, Inch'Allah? On s'est arrêté où? Vas-y, Mohamed, fais. الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. Très bien. الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. عندك؟ أنا أذهب إلى السوق يوم الجمعة فقط. نعم، أنا أذهب إلى السوق يوم الجمعة فقط. متى تذهبون لزيارة المدرس؟ C'est le مدير مجيء. المدير يا إخوان. نعم، متى تذهبون لزيارة المدير يا إخوان؟ نعم لأنها مريضة. طيب أمي تذهب إلى المستشفى كل يوم لأنها مريضة. وشو؟ أتذهبنا إلى المكتبة كل مساء يا بناتي. خير يا أتذهبنا. شو؟ لما لا؟ Toi, avant de répondre là, à qui tu vas parler? Abbas, il est là ou il est pas là? Abbas, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis il est là? Non, t'as pas compris. Quand je dis il est là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends de là, il est là ou il est pas là? Réponds à ma question, Daoud. Quand je te dis, est-ce que Abbas, il est présent ou il est pas présent là? Ça veut dire quoi? Mukhatab. Et Yadhabou, c'est quelqu'un, tu parles de lui ou tu parles à lui? Voilà. Abbas, il est face à toi. Tu diras quoi? Lima, la tadhabou. T'as compris là? Barakallahu fik. Taïb. Au suivant. Siyara al-Ujra, c'est le taxi. Hein. Taïb. C'est-à-dire, le mot en lui-même, si tu fais la traduction, c'est comme ça. Hein, le taxi. Mais sinon, si tu veux traduire mot par mot, Siyara, ce sera quoi? Voiture, al-Ujra, c'est comme si? Tu payes une ojra, me fous. Et le taxi, même en français, le fait de dire taxi, c'est ça son sens. C'est comme si tu prenais quoi? Le taxi, pour un moment, tu l'as loué. Vous comprenez là? Pour pas vous penser que le mot en arabe, c'est ce qu'il veut dire même en français. Même le mot taxi en français, c'est quoi? Louer la voiture pour un moment. Me fous? Hada ma'na siyara al-ojra. Au suivant. Il al masna'i. في الساعة العاشرة. نعم أبي يذهب سوى. أخواتي يذهبنا إلى المدرسة بالحافلة. نعم. كيف تجيغ الحافلة يا عثمان؟ لبس. نعم. أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في الفراغ. C'est le même exercice, mais là c'est quoi? Un verbe de ton choix. بسم الله. يا سيدي مسكولا سي مسكولا نعم est-ce que tu connais أتعرف اللغة العربية يا سيدي وسيبان نحن نلعب كرة القدم كرة القدم كل يوم نحن نلعب كرة القدم كل مساء بوسيك كل يوم طيب في مهاجعة في مهاجعة pourquoi مهاجعة مصلبي il est quoi il est مضاف في مهاجع الجامعة هي الحرف جار mais en même temps il est مضاف ça fait fait بارك الله فيك في مهاجع Vous avez compris là? On avait dit quoi? Le même sarf, il reprend la kasra s'il y a alif wal lam ou il est mudaf. Très bien, c'est bien. Taskununa ya ikhwan. Très bien. Atujaru yaftahoun dakaki. Yaftahouna. Yaftahouna. إنهم في الساعة التاسعة. طيب. يكتب المدرس درس على سبورة. أخوات حمزة. أخوات أخواته. أخوات حمزة. سيبوسيب دير أخواته. si tu aurais voulu dire les frères de Hamza. Est-ce que tu pouvais dire les frères de Hamza de cette manière-là, Akhwatu? Non. Tu aurais dit quoi? Ikhwan. Ikhwan, mais il y a ça ressemble à ça aussi. Ikhwatu. Les filles, A, et les garçons. Allez, Inch'Allah. Akhwatu, Hamzatu, Hamzatu. Je vais répéter, Allah, Hamzatu. Akhwatu. Akhwatu, Hamzata. تدرسنا بالجامعات. أحسنت. شوفوا. أنا أقرأ القرآن كل صباح. القرآن. القرآن كل صباح. نعم. أنا أقرأ القرآن كل صباح. في أي محطة تشتغل يا أخي؟ خبيا. في أي محطة تشتغل يا أخي؟ أختي تعرف. Très bien. Orti ta'arifu thalatha lughatin. Au suivant. Ah, c'est min. C'est possible que ça soit men? Hein? Men, on l'utilise pourquoi à Daoud? Aql. Et également, c'est aql devant toi aussi. Fatayat. C'est des sœurs, elles sont aql. Alors, et quoi également? Une question. Une question. Ahsante. إذاعة تسمعنا. تفكر أنت رجعتي من أي إذاعة الأخبار؟ ما معنى الأخبار؟ information. alors ce sera quoi? regarde pas la télé. c'est à dire est-ce quoi la radio? et la radio on regarde ou on écoute? voilà. تسمعنا الأخبار يا فتيات طيب من أي إذاعة تسمعنا الأخبار يا فتيات نعم j'ai pas compris la 7 ça tu vas le voir dans le 3 ça inchallah طيب il remplace le ظرف زمان ici tu vas tu lui dire quoi à la base c'est كله que tu connais le plus pas كله non, mais après ce que tu entends et ce qu'il dit, ouais, si je te dis, il te dit Ya Abu Abdullah, c'est ce que tu entends beaucoup ici, c'est vrai non? T'entends, c'est rare, tu entends Ya Abu Abdullah, Ya Abu Abdurrahman, c'est vrai non? Nous, on est à une époque, il faut plus juger l'arabe avec les gens, sinon c'est la pagaille. À l'époque du prophète, ça s'appelle l'arabe. Barakallahu fik. Par exemple, il y a une grande erreur en Égypte, ceux qui ont été en Égypte, ils disent Lissa. Tu vois? Et ça veut dire quoi? Par exemple, ça remplace Lamma. Qui était en Égypte ici? Personne? Toi? Ah, ils disent comme ça, non? Lissa. Par exemple, je te dis Hal Dahabta. Tu diras? Ils disent Lissa. Et ça, c'est une erreur. Pourtant, en Égypte, c'est connu, Nahou. Tu vois? Alors que si tu veux juste répondre par la négation, tu dis Lamma. Mais Fomada? Alors quelqu'un qui ne connaît pas et juge l'arabe par ces gens-là va croire que c'est vraiment la bonne réponse. T'as compris Abdelkali? Et ça on le verra. Tu vois? La différence entre l'âme et l'amma. L'amma, t'as le droit de répondre qu'avec ça. Mais bon? T'as compris ça? Par exemple, Hel Fahimt Adar, tu dis l'amma. Ma'ana il a l'alma fahimt. Amma l'âme, tu ne pourras pas le dire. Alors qu'en Égypte, comme je dis, ils disent l'issa. La khata. Barakallahu fikoum. صحيح الجمل الآتية corrige les phrases suivantes يا مريم on s'est arrêté où à toi moi je lis tu corriges يا مريم أتعرف رقم هاتف المديرة très bien بارك الله فيك أتعرفين رقم الهاتف ما معنى رقم هاتف très bien جزاك الله خير يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس S'il n'y a pas d'erreur, vous dites, hein. S'il y a une erreur, corrigez. Il n'y a pas d'erreur, hein. Taïb, je répète, Inch'Allah. Yadkhuluna at-tullabu al-fasl qabla ad-dukhul al-mudarris. Elle est où l'erreur? Elle est où l'erreur? Et c'est quoi l'erreur? C'est-à-dire, on aurait dû dire juste yadkhulu. Parce qu'il est en début de phrase. Très bien, Allah. Yadkhulu at-tullab, hein. الطبيبات يخرجون من المستشفى في الساعة الواحدة. الطبيبات تخرج من المستشفى في الساعة Naama, le frère, il a dit At-tabibatu takhruju min al-mustashfa fi sa'ati al-wahida. Qui est d'accord avec lui? C'est bon ce qu'il vient de dire, Rathman? Ce sera à toi après. T'étais où? Non, mais Rathman, c'est pas possible. C'est-à-dire, tu regardes le livre, tu regardes quoi? C'est un autre livre? Tu dis, ah, c'est quoi? Ah, Wahhabi, il lit quoi là? C'est la classe foufoufou, je crois. Rathman, il lit le livre, mais il n'est pas avec nous. Mashallah. Vas-y, je répète ce qu'il a dit, Kamel. Il a dit At-tabibatu. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Il a dit Yakhruju. Là, Takhruju. Takhruju min al-mustashfa fi sa'ati al-wahida. Yakhrujna. Wahbi. Je répète, hein? Il a dit Takhrujna. Yakhrujna. Taïb. Barakallahu fik. Tabibatu. Comment on dit le pluriel de docteur, Kamel? Le pluriel de docteur. Bah t'as vraiment cru alors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais tu viens de dire, je crois que c'était un Comment on dit un docteur, Kamel? Tabib. Tabib. Comment tu peux voir c'est un pluriel ça? Il y a un alif ou un tamaftouha. Ouais, taïb. Alors c'est quel pluriel ça? Est-ce qu'on a déjà étudié un alif comme ça? C'est quoi le pluriel de docteur? Les frères révisés, hein. Après le 3, je vous promets, c'est vraiment large. Ça, c'est un pluriel. J'ai pas dit que c'est pas un pluriel. Mais tu me dis un pluriel de masculin. Enfin, quand j'ai répondu, j'ai répondu comme si c'était un singulier. Ouais, mais quel type de singulier? C'est quoi? Quel pluriel, ça? Pluriel masculin, féminin? Ça, c'est un pluriel féminin. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai répondu comme si c'était un singulier féminin. Ah, taïb, khair, inshallah. Barakallahu fik. Taïb, yajlisna talibatu al-jududu fi saf al-akhir. عندك تجلس الطالبات جدد طيب طالبات الجدد في الصف الأخير عندك أين تذهبنا يا إخوان أين تذهبون نعم أختي يدرس في المدرسة الثانوية أبو عبد الكريم أختي تدرس Là, ta sœur, là, c'est-à-dire quand tu parles de ta sœur, elle est présente ou elle est pas là? Elle est pas là. Orti tadrosu fi madrasati tanawiya. Mada taktubuna ya banati. Mada taktubuna ya banati. Très bien. Mada taktubuna ya banati. Mada ta'kulina ya Abbas. Mada ta'kulu ya Abbas. Très bien. Nahnu أشرب القهوة كل صباح. نحن نشرب القهوة كل صباح. نعم. سيرجع أبي من الرياض في الأسبوع القادم. سيرجع أبي من الرياض. ما جلوس أنا. من الرياض. ويا لفخاز سترجع. نعم. ما جدي. ما جدنا بن غفون شو قاله. آه. ولا. سترجع أبي من الرياض في الأسبوع القادم. توت هذه سيرجع. خير من بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تأمل ما يلي. كمان؟ سترجع أبي؟ لا. كمان؟ سيغي متى ترجع يا أبي؟ C'est-à-dire si le père, il aurait parlé à son fils. Ouais, il aurait posé la question à lui. Ah ouais, mais là, ça c'est une chose qu'on ne peut pas voir. T'as compris ce que je veux dire, à ma vie? Non, pas de mal. C'est vrai, alhamdoulilah. Celui qui éternue, c'est pas impoli. Tu vois. Même c'est une sunna. Le prophète Sam, il dit, ça fait partie du droit de musulman. Tu vois. C'est-à-dire celui qui éternue, le prophète Sam, il a dit son frère, il dit, ya rahmatullah. Tu vois. C'est pour ça, faites attention les frères. Beaucoup de choses chez les mécréants, il va à l'encontre de l'islam. Et ça, vous allez voir plus, vous allez étudier, vous allez remarquer beaucoup de choses comme ça. Tu vois. Et roté aussi. Roté, c'est pas maintenant roté, c'est quoi? C'est un signe, peut-être, t'as, alhamdoulilah, t'as bien mangé, mais il faut pas roté comme ils font certains frères. même si c'est pas haram, là, il y a l'adab. Jamais on a lu dans la vie du prophète Sam, miroiter à voix comme ça, comme s'il grognait. Là, il faut faire attention. Non, c'est vrai. Ou même éternuer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il éternuait, il essayait de quoi ? D'atténuer le, c'est-à-dire, atium. Certains, quand il éternue, il y a subhanallah. Tu vois ? Ça, c'est min akhlaq al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois ? Et pourquoi je vous dis ça ? C'est que beaucoup de choses dans l'islam, les mécréants, ils essaient de faire voir côté négatif. Un peu comme on a parlé, Yom al-Jumu'ah, hein, vendredi 13. Ah, ou par exemple, al-Hallaq, le barbier. À tel point, c'est venu à mes oreilles que certains frères salafis, subhanallah, ils sont venus à s'épiler même les jambes et le torse. Regardez. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est devenu une pierre, le frère. C'est même... Ça, c'est des frères salafis. Tu vois ? Pourquoi il a fait ça ? Moi, je sais pas pourquoi il a fait ça. Parce que... Tu vois ? C'est pour ça, faites très, très attention. Tu vois ? C'est-à-dire, celui qui vit avec ces gens-là, ils essaient, après, tu vas sans te rendre compte, il te dit l'esthétique... Tu vois, rasé de très près. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Afu lihya » Laisse pousser la barbe. Laissez pousser la barbe et tailler la moustache. Tu vois. Même s'il y a une divergence entre les savants, est-ce que tu as le droit de raser le torse ou les jambes ? Mais tu verras, la création de l'homme, c'est avec des poils. Ya subhanallah. Cheikh Albani, il est très dur même pour la femme. Par rapport à la femme, est-ce qu'elle a le droit de s'épiler ? Regardez. Alors quand... Non, Cheikh Albani, je crois qu'il ne voit pas cet avis. Tu vois, il voit comme si c'est arrière les khalqillah. Elle reste comme elle est. Tu vois. Alors comment un frère salafi, subhanallah. Tu vois, c'est pour ça, faites attention à ça. C'est pas tout ce qu'on vous apprend. Tu vois, en France, là. Et voilà, j'ai remarqué ça, beaucoup de choses comme ça. À l'encontre de l'islam. La barbe, regardez, maintenant, celui qui a la barbe, hop, c'est comme s'il n'était pas propre, il est sale. Tu vois. Et tu vois, des frères, ils sont atteints par ça. Une fois un frère en France, il m'a dit pourquoi tu laisses pas. Non, il me dit ça gêne, tu vois, ça fait un peu sale, la poussière. Non, je lui dis taqillah, et voilà. Je lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit laisse pousser la barbe. Tu vois. Aïcha dit radallahu anha, la beauté de l'homme est la barbe. Tu vois. Celui qui lit dans Surah Taha, le prophète Moussa alayhi salam a pris la barbe de son frère Haroun. Les prophètes avaient des barbes. Même chez les mécréants, il y a peut-être 50 ans, ils avaient des barbes. C'est vrai. Ouais. Vous avez compris ? Et ça, pourquoi ? Attention, tu vois. Alors, c'est pour ça qu'il faut être fier d'être un musulman, être un salafi. Barakallahu fikoum. Tu vois. Pour ça, si vous connaissez des frères qui font cet acte-là, il faut les conseiller. Tu vois. C'est pour ça, un des salafis, il a dit « Men tatabba al-rokhas tazandaqa ». C'est-à-dire, celui qui cherche, c'est-à-dire quoi ? Les, quelque sorte, la facilité. Tazandaqa, il va sortir de l'islam. Vous comprenez ça ? Même s'il y a une divergence, n'essaie pas toujours de pencher dans ce que tu désires. Beaucoup de choses comme ça. Par exemple, parfum avec alcool, parfum sans alcool. Alhamdoulilah, maintenant, on a trouvé des parfums sans alcool et c'est les mêmes qu'avec alcool. Non, il y a divergence. Taïb, la viande, ah, il y a divergence. Ça veut dire toujours question de divergence, divergence. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Da'ma yoribouk illamala yoribouk ». C'est-à-dire, laisse qui est douteux, ce qui n'est pas douteux. Tellement j'ai vu des frères ici, malheureusement, ils mangeaient même de la viande de l'Inde. Alors que c'est un pays mouchrik, peut-être un des plus mauvais pays de la terre. Ils adorent l'insecte, ils adorent le vagin, ils adorent vraiment des choses. Un homme sensé ne pourrait pas le faire. Et le frère était dit, non, c'est écrit de Madbouh à la tariqat l'islamiyya. Vous comprenez ça ? Alhamdulillah, quand j'ai posé la question à Cheikh Yahya, il dit, il faut laisser. Comment un pays comme l'Inde ? Et ça, vous voyez quoi ? Des frères, ils te disent, non, mais regarde, c'est à toi de prouver que c'est halal. Haram. Là, c'est à toi de prouver que c'est halal. Al-Asl, comme il dit Cheikh Al-Taymin, tu dois, ça veut dire, toi, c'est à toi, tant qu'il y a un doute, tu dois délaisser. Hada wal wara. Tu ne manges pas comme ça. Certains, ils sont arrivés même à manger dans les McDonald's. Ils disent, ouais, c'est la viande d'Ahl al-Kitab. Comment ? Vous pouvez me dire qu'en France, maintenant, tu peux dire que c'est des vrais chrétiens ? Très peu. Ceux qui remplissent le plus les églises, c'est les Antilles, la majorité. Et ça, malheureusement, ce sont nos frères. Tu vois ? Ça, si vous connaissez des frères qui font des actes comme ça, il faut les conseiller. Voilà. Ta'ammal ma yali yadhhabu. Taïb ? Là, il va quoi ? Détailler le verbe. Elia yusawi harf al-mudara. Souvenez-vous, on avait dit que le fi'l al-mudara, il avait quoi ? Quatre lettres qui sont quoi ? En surplus de son verbe de base. On a le verbe dahaba et on a rajouté une des quatre lettres. Hein ? Anaitu. Imma al-hamza, imma al-nun, imma al-ya, imma al-ta. Alors dans yadhabu, c'est le ya qui est en plus. Taïb, haf al-mudara. Zaid dahaba, le verbe. Aïn al-fa'il, dhamir mustatir, huwa. Wa dhamma, alamat al-raf. طيب sachez que là devant nous c'est le fi'l al-mudara al marfou. طيب yadhhabuna c'est la même chose, le ya harf al-mudara, dhahaba c'est le verbe, le waw c'est quoi? Fa'il. Wa an-nun alamat al-raf. Apprenez ça par cœur les frères, hein. طيب tout le monde y est. طيب c'est-à-dire que le verbe ici il est quoi? Il est marfou. طيب tadhhabu. طيب التاء حرف المضارع وزيد ذهب أين الفاعل ضمير مستتير أنت طيب on aurait pu dire quoi également ici هي pas أنت أنت elle est face à toi hein c'est à dire qu'ici on peut dire quoi بارك الله فيكم تذهب إما أنت وإما هي يذهبنا الياء يساوي حرف المضارع plus ذهب والنون الفاعل. Tout le monde y est, c'est bon ? Tadhabu Taïb. Ben, il l'a mis alors, je crois. Ta, waha, yusawi harf al-mudara, plus dahaba, dhamir mustatir, imma anta, wa imma hiya. Tadhabuna, ta harf al-mudara, zaid dahaba, wa zaid al-waw, yusawi al-fa'il, wa nun alamat al-raf. Tadhabina, ta, yusawi harf al-mudara, zaid dahaba, زايد الياء يساوي فاعل زايد النون علامة الرفع تذهبنا تاء طيب يساوي حرف المضارع زايد ذهب زايد النون فاعل النون والفاعل ها كل تيب دو فاعل ici c'est masculin féminin féminin الجماعة اذهب الهمزة حرف المضارع زيد ذهب زيد ضمير مستتير انا هذا الضمير ici c'est انا نذهب نون يساوي حرف المضارع زيد ذهب زيد ضمير مستتير نحن اي لو بروميير اذهب ونذهب سا كونسيرن المؤنث والمذكر ها فيمينا او ماسكولا الكلمات الجديده سياره الاجره تاكسي صف جمع صفوف غون اخير Hein, la fin. Taïb. Et à partir de demain, Inch'Allah, on va rentrer dans l'amr, l'impératif. Inch'Allah, je demande aux frères de bien, bien réviser al-mudara ou al-madi. Barakallahu fikoum.